Deuxième partie, livre quatrième, suite. Nous nous arrachâmes aux délices de Capoue pour aller voir la Chartreuse, toujours avec Monsieur Ballanche. Nous louâmes une calèche dont les roues disjointes faisaient un bruit lamentable. Arrivés à Voreppe, nous nous arrêtâmes dans une auberge au haut de la ville. Le lendemain, à la pointe du jour, nous montâmes à cheval et nous partîmes, précédés d'un guide. Au village de Saint-Laurent, au bas de la Grande Chartreuse, nous franchîmes la porte de la vallée et nous suivîmes entre deux flancs de rochers le chemin montant au monastère. Je vous ai parlé à propos de Combourg de ce que j'éprouvais dans ce lieu. Les bâtiments abandonnés se lézardaient sous la surveillance d'une espèce de fermier des ruines. Un frère laid était demeuré là pour prendre soin d'un solitaire infirme qui venait de mourir. La religion avait imposé à l'amitié la fidélité et l'obéissance. Nous vîmes la fosse étroite fraîchement recouverte. Napoléon, dans ce moment, en allait creuser une immense à Austerlitz. On nous montra l'enceinte du couvent, les cellules, accompagnées chacune d'un jardin et d'un atelier. On y remarquait des établis de menuisiers et des rouets de tourneurs. La main avait laissé tomber le ciseau. Une galerie offrait les portraits des supérieurs de la Chartreuse. Le palais ducal à Venise garde la suite des ritratti des doges, lieux et souvenirs divers. Plus haut, à quelque distance, on nous conduisit à la chapelle du reclus immortel de Le Sueur. Après avoir dîné dans une vaste cuisine, nous repartîmes et nous rencontrâmes, portés en palanquin comme un raja, M. Chaptal, jadis apothicaire, puis sénateur, ensuite possesseur de Chanteloup et inventeur du sucre de betterave. La vie d'héritier déborose aux Indiens de la Sicile, perfectionnée par le soleil d'Otaïti. En descendant des forêts, j'étais occupé des anciens cénobites. Pendant des siècles, ils portèrent, avec un peu de terre dans le pan de leurs robes, des plants de sapin, devenus des arbres sur les rochers. Heureux, ô vous qui traversâtes le monde sans bruit, et ne tournâtes pas même la tête en passant. Nous n'eûmes pas plutôt atteint la porte de la vallée qu'un orage éclate. Un déluge se précipite, et des torrents troublés détalent en rugissant de toutes les ravines. Madame de Chateaubriand, devenue intrépide à force de peur, galopait à travers les cailloux, les flots et les éclairs. Elle avait jeté son parapluie pour mieux entendre le tonnerre. Le guide lui criait « Recommandez votre âme à Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !» Nous arrivâmes à Voreppe au son du tocsin. Les restes de l'orage déchiré étaient devant nous. On apercevait au loin dans la campagne l'incendie d'un village, et la lune arrondissant la partie supérieure de son disque au-dessus des nuages, comme le front pâle et chauve de Saint Bruno, fondateur de l'ordre du silence. Monsieur Ballanche, tout dégoûtant de pluie, disait avec sa placidité inaltérable « Je suis comme un poisson dans l'eau ». Je viens, en cette année 1838, de revoir Voreppe. L'orage n'y était plus, mais il m'en reste deux témoins, Madame de Chateaubriand et Monsieur Ballanche. Note. Les détails donnés par Madame de Chateaubriand dans ses souvenirs confirment de tout point ceux des mémoires. Voici la fin de son piquant récit. Lorsque nous fûmes réchauffés et que l'orage fut un peu apaisé, nous nous remîmes en route. Mais la pluie avait grossi les torrents au point qu'en les traversant, nos chevaux avaient de l'eau jusqu'au poitrail. Comme je ne craignais que le retour de l'orage, je devins vaillante contre les autres dangers. Je mis donc ma vieille rosse au galop. Le guide, qui savait que ce n'était pas son allure, me criait d'arrêter, que j'allais tuer son cheval. « Monsieur, disait-il à mon mari, votre dame a fait la guerre. » Fin de note. Je le fais observer, car j'ai eu trop souvent dans ses mémoires à remarquer les absents. De retour à Lyon, nous y laissâmes notre compagnon et nous allâmes à Villeneuve. Je vous ai raconté ce que c'était que cette petite ville, mes promenades et mes regrets au bord de l'Yonne avec M. Joubert. Là vivaient trois vieilles filles, Mesdemoiselles Pia. Elles rappelaient les trois amies de ma grand-mère à Plancoët, à la différence près des positions sociales. Les vierges de Villeneuve moururent successivement, et je me souvenais d'elles à la vue d'un perron herbu, montant en dehors de leur maison déshabitée. Que disaient-elles en leur temps, ces demoiselles villageoises? Elles parlaient d'un chien et d'un manchon que leur père leur avait acheté jadis à la foire de Sens. Cela me charmait autant que le concile de cette même ville, où Saint Bernard fit condamner à Bélard mon compatriote. Les vierges aux manchons étaient peut-être des Héloïse. Elles aimaient peut-être, et leurs lettres retrouvées un jour enchanteront l'avenir. Qui sait? Elles écrivaient peut-être à leur seigneur, aussi leur père, aussi leur frère, aussi leur époux, domino suo, imo patri, etc. Qu'elle se sentait honorée du nom d'amie, du nom de maîtresse ou de courtisane, concubinae, well scorti. Au milieu de son savoir, dit un docteur grave, je trouve Abélard avoir fait un trait de folie admirable quand il suborna d'amour Héloïse, son escolière. Une grande et nouvelle douleur me surprit à Villeneuve. Pour vous la raconter, il faut retourner quelques mois en arrière de mon voyage en Suisse. J'habitais encore la maison de la rue Miroménil lorsque, dans l'automne de 1804, Madame de Caux vint à Paris. La mort de Madame de Beaumont avait achevé d'altérer la raison de ma sœur. Peu s'en fallut qu'elle ne crût pas à cette mort, qu'elle ne soupçonnât du mystère dans cette disparition, ou qu'elle ne rangeât le ciel au nombre des ennemis qui se jouaient de ses maux. Elle n'avait rien, je lui avais choisi un appartement rue Caumartin, en la trompant sur le prix de la location et sur les arrangements que je lui fis prendre avec un restaurateur. Comme une flamme prête à s'éteindre, son génie jetait la plus vive lumière. Elle en était tout éclairée. Elle traçait quelques lignes qu'elle livrait au feu, ou bien elle copiait dans des ouvrages quelques pensées en harmonie avec la disposition de son âme. Elle ne resta pas longtemps rue Caumartin, elle alla demeurer aux Dames Saint-Michel, rue du Faubourg Saint-Jacques. Madame de Navarre était supérieure du couvent. Lucile avait une petite cellule, ayant vue sur le jardin. Je remarquai qu'elle suivait des yeux, avec je ne sais quel désir sombre, les religieuses qui se promenaient dans l'enclos, autour des carrés de légumes. On devinait qu'elle enviait la sainte, et qu'allant par-delà, elle aspirait à l'ange. « Je sanctifierai ses mémoires en y déposant, comme des reliques, ces billets de Madame de Caux, écrits avant qu'elle eût pris son vol vers sa patrie éternelle. » 17 janvier. Je me reposais de mon bonheur sur toi et sur Madame de Beaumont. Je me sauvais dans votre idée de mon ennui et de mes chagrins. Toute mon occupation était de vous aimer. J'ai fait cette nuit de longues réflexions sur ton caractère et ta manière d'être. Comme toi et moi, nous sommes toujours voisins, il faut, je crois, du temps pour me connaître, tant il y a diverses pensées dans ma tête. Tant ma timidité et mon espèce de faiblesse extérieure sont en opposition avec ma force intérieure. En voilà trop sur moi. Mon illustre frère reçoit le plus tendre remerciement de toutes les complaisances et de toutes les marques d'amitié que tu n'as cessé de me donner. Voilà la dernière lettre de moi que tu recevras le matin. J'ai beau te faire part de mes idées, elles n'en restent pas moins tout entières en moi. Sans date. Me crois-tu sérieusement, mon ami, à l'abri de quelque impertinence de M. Chênedollet ? Je suis bien décidé à ne point l'inviter à continuer ses visites. Je me résigne à ce que celle de mardi soit la dernière. Je ne veux pas gêner sa politesse. Je ferme pour toujours le livre de ma destinée, et je le scelle du sceau de la raison. Je n'en consulterai pas plus les plages, maintenant, sur les bagatelles que sur les choses importantes de la vie. Je renonce à toutes mes folles idées. Je ne veux m'occuper ni me chagriner de celles des autres. Je me livrerai à corps perdu à tous les événements de mon passage dans ce monde. Quelle pitié que l'attention que je me porte. Dieu ne peut plus m'affliger qu'en toi. Je le remercie du précieux, bon et cher présent qu'il m'a fait en ta personne et d'avoir conservé ma vie sans tache. Voilà tous mes trésors. Je pourrais prendre pour emblème de ma vie la lune dans un nuage, avec cette devise, souvent obscurcie, jamais ternie. Adieu, mon ami. Tu seras peut-être étonné de mon langage depuis hier matin. Depuis t'avoir vu, mon cœur s'est relevé vers Dieu, et je l'ai placé tout entier au pied de la croix, sa seule et véritable place. Ce jeudi. Bonjour, mon ami. De quelle couleur sont tes idées ce matin ? Pour moi, je me rappelle que la seule personne qui put me soulager quand je craignais pour la vie de Madame de Farcy fut celle qui me dit « Mais il est dans l'ordre des choses possibles que vous mouriez avant elle. » Pouvait-on frapper plus juste ? Il n'est rien tel, mon ami, que l'idée de la mort pour nous débarrasser de l'avenir. Je me hâte de te débarrasser de moi ce matin, car je me sens trop en train de dire de belles choses. Bonjour, mon pauvre frère. Tiens-toi en joie. Sans date. Lorsque Madame de Farcy existait, toujours près d'elle, je ne m'étais pas aperçu du besoin d'être en société de pensée avec quelqu'un. Je possédais ce bien sans m'en douter. Mais depuis que nous avons perdu cet ami, et les circonstances m'ayant séparé de toi, je connus le supplice de ne pouvoir jamais délasser et renouveler son esprit dans la conversation de quelqu'un. Je sens que mes idées me font mal lorsque je ne puis m'en débarrasser. Cela tient sûrement à ma mauvaise organisation. Cependant, je suis assez contente depuis hier de mon courage. Je ne fais nulle attention à mon chagrin et à l'espèce de défaillance intérieure que j'éprouve. Je me suis délaissée. Continue à être toujours aimable envers moi. Ce sera humanité ces jours-ci. Bonjour, mon ami. À tantôt, j'espère. Sans date. Sois tranquille, mon ami. Ma santé se rétablit à vue d'œil. Je me demande souvent pourquoi j'apporte tant de soins à l'étayer. Je suis comme un insensé qui édifierait une forteresse au milieu d'un désert. Adieu, mon pauvre frère. Sans date. Comme ce soir, je souffre beaucoup de la tête. Je viens tout simplement, au hasard, de t'écrire quelques pensées de Fénelon pour remplir mon engagement. On est bien à l'étroit quand on se renferme au-dedans de soi. Au contraire, on est bien au large quand on sort de cette prison pour entrer dans l'immensité de Dieu. Nous retrouverons bientôt ce que nous avons perdu. Nous en approchons tous les jours, à grands pas. Encore un peu, et il n'y aura plus de quoi pleurer. C'est nous qui mourrons. Ce que nous aimons vit et ne mourra point. Vous vous donnez des forces trompeuses, telles que la fièvre ardente en donne aux malades. On voit en vous depuis quelques jours un mouvement convulsif pour montrer du courage et de la gaieté avec un fond d'agonie. Voilà tout ce que ma tête et ma mauvaise plume me permettent de t'écrire ce soir. Si tu veux, je recommencerai demain et t'en compterai peut-être davantage. Bonsoir, mon ami. Je ne cesserai point de te dire que mon cœur se prosterne devant celui de Fénelon, dont la tendresse me semble si profonde et la vertu si élevée. Bonjour, mon ami. Je te dis à mon réveil mille tendresses et te donne 100 bénédictions. Je me porte bien ce matin et suis inquiète si tu pourras me lire et si ces pensées de Fénelon te paraîtront bien choisies. Je crains que mon cœur ne s'en soit trop mêlé. Sans date. Pourrais-tu penser que je m'occupe follement depuis hier à te corriger? Les Blossac m'ont confié dans le plus grand secret une romance de toi. Comme je ne trouve pas que dans cette romance tu aies tiré parti de tes idées, je m'amuse à essayer de les rendre dans toute leur valeur. Peut-on pousser l'audace plus loin? Pardonnez, grand homme, et ressouvenez-vous que je suis ta sœur, qu'il m'est un peu permis d'abuser de vos richesses. Saint-Michel, je ne te dirai plus, ne viens plus me voir. Parce que n'ayant désormais que quelques jours à passer à Paris, je sens que ta présence m'est essentielle. Ne me viens tantôt qu'à 4 heures. Je compte être dehors jusqu'à ce moment. Mon ami, j'ai dans la tête 1000 idées contradictoires de choses qui me semblent exister et n'exister pas, qui ont pour moi l'effet d'objets qui ne s'offriraient que dans une glace, dont on ne pourrait par conséquent s'assurer quoi qu'on les vit distinctement. Je ne veux plus m'occuper de tout cela. De ce moment-ci, je m'abandonne. Je n'ai pas, comme toi, la ressource de changer de rive, mais je sens le courage de n'attacher nulle importance aux personnes et aux choses de mon rivage, et de me fixer entièrement, irrévocablement, dans l'auteur de toute justice et de toute vérité. Il n'y a qu'un des plaisirs auxquels je crains de mourir difficilement, c'est de heurter en passant, sans le vouloir, la destinée de quelque autre, non pas par l'intérêt qu'on pourrait prendre à moi. Je ne suis pas assez folle pour cela. Saint-Michel. Mon ami, jamais le son de ta voix ne m'a fait tant de plaisir que lorsque je l'entendis hier dans mon escalier. Mes idées alors cherchaient à surmonter mon courage. Je fus saisie d'aise de te sentir si près de moi. Tu parus, et tout mon intérieur rentra dans l'ordre. J'éprouve quelquefois une grande répugnance de cœur à boire mon calice. Comment ce cœur, qui est un si petit espace, peut-il renfermer tant d'existence et tant de chagrin? Je suis bien mécontente de moi, bien mécontente. Mes affaires et mes idées m'entraînent, je ne m'occupe presque plus que de Dieu, et je me borne à lui dire 100 fois par jour, « Seigneur, hâtez-vous de m'exaucer, car mon esprit tombe dans la défaillance. » Sans date. Mon frère, ne te fatigue ni de mes lettres, ni de ma présence. Pense que bientôt tu seras pour toujours délivré de mes importunités. Ma vie jette sa dernière clarté. Lampe qui s'est consumée dans les ténèbres d'une longue nuit et qui voit naître l'aurore où elle va mourir. Veuille, mon frère, donner un seul coup d'œil sur les premiers moments de notre existence. Rappelle-toi que souvent nous avons été assis sur les mêmes genoux et pressés ensemble tous deux sur le même sein, que déjà tu donnais des larmes aux miennes, que dès les premiers jours de ta vie tu as protégé, défendu ma frêle existence, que nos jeux nous réunissaient et que j'ai partagé tes premières études. Je ne te parlerai point de notre adolescence, de l'innocence de nos pensées et de nos joies, et du besoin mutuel de nous voir sans cesse. Si je te retrace le passé, je t'avoue ingénument, mon frère, que c'est pour me faire revivre davantage dans ton cœur. Lorsque tu partis pour la seconde fois de France, tu remis ta femme entre mes mains, tu me fis promettre de ne m'en point séparer. Fidèle à ce cher engagement, j'ai tendu volontairement mes mains au fer, et je suis entré dans ces lieux destinés aux seules victimes vouées à la mort. Dans ces demeures, je n'ai eu d'inquiétude que sur ton sort. Sans cesse, j'interrogeais sur toi les pressentiments de mon cœur. Lorsque j'eus recouvré la liberté au milieu des maux qui vinrent m'accabler, la seule pensée de notre réunion m'a soutenue. Aujourd'hui que je perds sans retour l'espoir de couler ma carrière auprès de toi, souffre mes chagrins. Je me résignerai à ma destinée, et ce n'est que parce que je dispute encore avec elle que j'éprouve de ces cruels déchirements. Mais quand je me serai soumise à mon sort, et quel sort? Où sont mes amis, mes protecteurs et mes richesses? À qui importe mon existence, cette existence délaissée de tous et qui pèse tout entière sur elle-même? Mon Dieu, n'est-ce pas assez pour ma faiblesse de mes maux présents, sans y joindre encore l'effroi de l'avenir? Pardon, trop cher ami, je me résignerai, je m'endormirai d'un sommeil de mort sur ma destinée. Mais, pendant le peu de jours que j'ai à faire dans cette ville, laisse-moi chercher en toi mes dernières consolations. Laisse-moi croire que ma présence t'est douce. Crois que, parmi les cœurs qui t'aiment, aucun n'approche de la sincérité et de la tendresse de mon impuissante amitié pour toi. Remplis ma mémoire de souvenirs agréables qui prolongent auprès de toi mon existence. Hier, lorsque tu me parlas d'aller chez toi, tu me semblais inquiet et sérieux, tandis que tes paroles étaient affectueuses. Quoi, mon frère, serais-je aussi pour toi un sujet d'éloignement et d'ennui? Tu sais que ce n'est pas moi qui t'ai proposé l'aimable distraction d'aller te voir, que je t'ai promis de ne point en abuser. Mais si tu as changé d'avis, que ne me l'as-tu dit avec franchise? Je n'ai point de courage contre tes politesses. Autrefois, tu me distinguais un peu plus de la foule commune et me rendais plus de justice. Puisque tu comptes sur moi aujourd'hui, j'irai tantôt te voir à 11 heures. Nous arrangerons ensemble ce qui te conviendra le mieux pour l'avenir. Je t'ai écrit, certaine que je n'aurai pas le courage de te dire un seul mot de ce que contient cette lettre. Cette lettre si poignante et tout admirable est la dernière que je reçus. Elle m'alarma par le redoublement de tristesse dont elle est empreinte. Je courus aux dames Saint-Michel. Ma sœur se promenait dans le jardin avec madame de Navarre. Elle rentra quand on lui fit savoir que j'étais montée chez elle. Elle faisait visiblement des efforts pour rappeler ses idées, et elle avait par intervalle un léger mouvement convulsif dans les lèvres. Je la suppliai de revenir à toute sa raison, de ne plus m'écrire des choses aussi injustes et qui me déchiraient le cœur, de ne plus penser que je pouvais jamais être fatiguée d'elle. Elle parut un peu se calmer aux paroles que je multipliais pour la distraire et la consoler. Elle me dit qu'elle croyait que le couvent lui faisait mal, qu'elle se trouverait mieux dans un logement isolé, du côté du jardin des plantes, là où elle pourrait voir des médecins et se promener. Je l'invitai à suivre son goût, ajoutant qu'afin d'aider Virginie, sa femme de chambre, je lui donnerais le vieux Saint-Germain. Cette proposition parut lui faire grand plaisir, en souvenir de madame de Beaumont, et elle m'assura qu'elle allait s'occuper de son nouveau logement. Elle me demanda ce que je comptais faire cet été. Je lui dis que j'irais à Vichy rejoindre ma femme, ensuite chez M. Joubert à Villeneuve, pour de là rentrer à Paris. Je lui proposai de venir avec nous. Elle me répondit qu'elle voulait passer l'été seule et qu'elle allait renvoyer Virginie à Fougères. Je la quittai, elle était plus tranquille. Madame de Chateaubriand partit pour Vichy et je me disposai à la suivre. Avant de quitter Paris, j'allai revoir Lucile. Elle était affectueuse, elle me parla de ses petits ouvrages dont on a vu les fragments si beaux vers le commencement de ses mémoires. J'encourageai au travail le grand poète. Elle m'embrassa, me souhaita un bon voyage, me fit promettre de revenir vite. Elle me reconduisit sur le palier de l'escalier, s'appuya sur la rampe et me regarda tranquillement descendre. Quand je fus au bas, je m'arrêtai et, levant la tête, je criai à l'infortuné qui me regardait toujours « Adieu, chère sœur, à bientôt, soigne-toi bien, écris-moi à Villeneuve, je t'écrirai. J'espère que l'hiver prochain, tu consentiras à vivre avec nous. » Le soir, je vis le bonhomme Saint-Germain, je lui donnai des ordres et de l'argent pour qu'il baissât secrètement les prix de toutes les choses dont elle pourrait avoir besoin. Je lui enjoignis de me tenir au courant de tout et de ne pas manquer de me demander de revenir en cas qu'il eût affaire de moi. 3 mois s'écoulèrent. En arrivant à Villeneuve, je trouvai 2 billets assez tranquillisants sur la santé de Madame de Caux. Mais Saint-Germain oubliait de me parler de la nouvelle demeure de ma sœur. J'avais commencé à écrire à celle-ci une longue lettre lorsque Madame de Chateaubriand tomba tout à coup dangereusement malade. J'étais au bord de son lit quand on m'apporta une nouvelle lettre de Saint-Germain. Je l'ouvris. Une ligne foudroyante m'apprenait la mort subite de Lucile. J'ai pris soin de beaucoup de tombeaux dans ma vie. Il était de mon sort et de la destinée de ma sœur que ses cendres fussent jetées au ciel. Je n'étais point à Paris au moment de sa mort. Je n'y avais aucun parent. Retenu à Villeneuve par l'état périlleux de ma femme, je ne pus courir à des restes sacrés. Des ordres transmis de loin arrivèrent trop tard pour prévenir une inhumation commune. Lucile était ignorée et n'avait pas un ami. Elle n'était connue que du vieux serviteur de Madame de Beaumont, comme s'il eût été chargé de lier les deux destinées. Il suivit, seul, le cercueil délaissé. Il était mort lui-même avant que les souffrances de Madame de Chateaubriand me permissent de la ramener à Paris. Ma sœur fut enterrée parmi les pauvres. Dans quel cimetière fut-elle déposée? Dans quel flot immobile d'un océan de mort fut-elle engloutie? Dans quelle maison expira-t-elle au sortir de la communauté des Dames de Saint-Michel? Quand, en faisant des recherches, quand, en compulsant les archives des municipalités, les registres des paroisses, je rencontrerai le nom de ma sœur, à quoi cela me servirait-il? Note. L'acte de décès a été découvert depuis. Madame de Caux mourut dans le quartier du Marais, rue d'Orléans, numéro 6, le 18 Brumaire, en 13, 9 novembre 1804. Fin de note. Retrouverai-je le même gardien de l'enclos funèbre? Retrouverai-je celui qui creusa une fosse, demeurait sans nom et sans étiquette? Les mains rudes qui touchèrent les dernières, une argile si pure, en auraient-elles gardé le souvenir? Quel nomenclateur des ombres m'indiquerait la tombe effacée? Ne pourrait-il pas se tromper de poussière? Puisque le ciel l'a voulu, que Lucile soit à jamais perdue. Je trouve dans cette absence de lieu une distinction d'avec les sépultures de mes autres amis. Ma devancière, dans ce monde et dans l'autre, prit pour moi le Rédempteur. Elle le prit du milieu des dépouilles indigentes, parmi lesquelles les siennes sont confondues. Ainsi repose, égarée, parmi les préférés de Jésus-Christ, la mère de Lucile et la mienne. Dieu aura bien su reconnaître ma sœur, et elle, qui tenait si peu à la terre, n'y devait point laisser de traces. Elle m'a quitté, cette sainte de génie. Je n'ai pas été un seul jour sans la pleurer. Lucile aimait à se cacher. Je lui ai fait une solitude dans mon cœur, elle n'en sortira que quand j'aurai cessé de vivre. Note. Le 13 novembre 1804, Chateaubriand, qui était alors chez son ami Joubert, à Villeneuve-sur-Yonne, écrivait à Chênedollé. Madame de Caux n'est plus, elle est morte, à Paris, le 9. Nous avons perdu la plus belle âme, le génie le plus élevé qui ait jamais existé. Vous voyez que je suis née pour toutes les douleurs. En combien peu de jours Lucile a été rejoindre Pauline, Madame de Beaumont. Venez, mon cher ami, pleurer avec moi cet hiver au mois de janvier. Vous trouverez un homme inconsolable, mais qui est votre ami pour la vie. Joubert vous dit 1 million de tendresse. Dans sa lettre à M. Mollet, du 18 novembre, Joubert rend témoignage de l'affliction de Chateaubriand et de sa femme. Il, Chateaubriand, a perdu depuis 8 jours sa sœur Lucile, également pleurée de sa femme et de lui, également honorée de l'abondance de leurs larmes. Ce sont 2 aimables enfants, sans compter que le garçon est un homme de génie. Fin de note. Ce sont là les vrais, les seuls événements de ma vie réelle. Que m'importaient au moment où je perdais ma sœur les milliers de soldats qui tombaient sur les champs de bataille, l'écroulement des trônes et le changement de la face du monde? La mort de Lucile atteignait aux sources de mon âme. C'était mon enfance au milieu de ma famille. C'étaient les premiers vestiges de mon existence qui disparaissaient. Notre vie ressemble à ces bâtisses fragiles, étayées dans le ciel par des arcs-boutants. Ils ne s'écroulent pas à la fois, mais se détachent successivement. Ils appuient encore quelques galeries quand déjà ils manquent au sanctuaire ou au berceau de l'édifice. Madame de Chateaubriand, toute meurtrie encore des caprices impérieux de Lucile, ne vit qu'une délivrance pour la chrétienne arrivée au repos du Seigneur. Soyons doux, si nous voulons être regrettés. La hauteur du génie et les qualités supérieures ne sont pleurées que des anges. Mais je ne puis entrer dans la consolation de Madame de Chateaubriand.